12:2. Valle, se grazie il Signore, con la prima, il valga la tua dernière, che va se ailleurs, come un concerto, per dire, se sorte di échange. Nous avons été amenés à faire sur les marches du Panthéon. À la vérité, ça avec leur cul de 8 jours, je trouve que ce qui s'y est échangé, le propos, n'était pas d'un mauvais niveau. Parce qu'en somme, ça m'a permis de rappeler un certain nombre de points qui sans doute, puisqu'on m'a posé la question et que cette question pas du tout inacte, méritait d'être précisé. Mon premier sentiment tout de suite après, quand j'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait, était pourtant de une certaine inadéquation. Même les meilleurs de ceux qui ont parlé, à la vérité, aucun était sans être justifié dans ces questions. Même les meilleurs, sur le premier temps, m'ont paru être un peu à la traîne. La traîne de quelque chose qui me semble se refléter dans ceci que au moins une sorte d'interpellation familière qui n'était pas encore des questions. J'étais situé comme ça un certain nombre de références qui ne sont certes pas toutes refusées, je sais bien que la première était celle à Gorgias, en soi-disant, je perdrai ici je ne sais quelle répétition. Pourquoi pas? L'inconvénient, c'est que dans la bouche de la personne qui évoquait un personnage dont nous pouvons maintenant mal mesurer l'efficacité, Gorgias était quelqu'un appartenant à l'histoire de la pensée. C'est bien là que, je puis dire, le recul, et qui me paraît fâcheux. Celui en somme qui unifie sous ce terme une sorte d'échantillonnage de prise de distance à l'égard de tel ou tel qu'on réunit sous cette bouche, sous cette accolade de fonction de la pensée. Il me semble qu'il n'y a rien qui soit moins homogène, si je puis m'exprimer ainsi, mais rien qui permette de définir une espèce Dans ceux qui, à quelque titre, on se les imagine comme représentant la pensée, pour leur donner une fonction qui serait justement d'une espèce. La pensée n'est pas une catégorie. Je dirais presque que c'est un affect. Encore, ne serait-ce pas pour dire que c'est le plus fondamental sous cet angle de l'affect. Qu'il n'y en ait qu'un, c'est ce qui constitue, à proprement parler, une certaine position nouvelle à être introduite dans le monde et dont je dis qu'il est le fait de ce quelque chose dont je vous donne un schéma porté au tableau noir quand je parle du discours psychanalytique. La vérité portée au tableau noir quelque chose de distinct d'en parler. Quelqu'un, je me souviens, à Vincennes, alors que j'y paraissais la foi ne s'est pas produite depuis, mais qu'il se produira. Quelqu'un a cru devoir me crier que il y avait des choses réelles occupait vraiment l'Assemblée, c'est à savoir tel ou tel point qu'on me rappelait, à savoir qu'on se tabassait à tel endroit plus ou moins loin du lieu de l'église, c'est pas ça, il fallait penser. Le tableau noir, ça n'avait rien à faire avec ce réel. C'est là qu'est l'erreur. J'aurais à dire que s'il y a une chance de saisir quelque chose qui s'appelle le réel, ce n'est pas ailleurs qu'au tableau noir. Et que même ce que je peux avoir à en commenter en forme de parole, un rapport à ce qui s'écrit au tableau droit. C'est un fait qui est démontré de ce fait de ce factice qu'est la science, dont on aurait tout à fait tort de n'inscrire l'émergence que d'une coction philosophique. Métaphysique peut-être plus que notre physique, scientifique, mérite d'être qualifié de métaphysique. C'est ce qui serait la précision. Et le préciser me semble possible précisément de ce point. je sais qu'il énonce que, à partir de ce discours parfait, il n'y en a rien. À savoir le produit de la prise de l'être parlant dans un discours, en tant que ce discours le détermine. C'est très certainement de là que prend sa valeur exemplaire le cogito cartésien, à condition, bien sûr, qu'on l'examine, qu'on le revoie. C'est ce que peut-être, une fois de plus, rapidement, j'aurais aujourd'hui à faire. Cet aspect, par quoi l'être parlant, un discours, se trouve déterminé comme objet de ce qu'il faut dire, c'est que cet objet n'est pas nommable. Si j'essaie de nommer comme plus de jouir, ce n'est là qu'appareil de nomenclature. Quel objet fait de cet effet de cet discours? Cet objet, nous n'en savons rien s'il est sinon qu'il est cause du désir. C'est-à-dire, à proprement parler, comme c'est comme manque à être qu'il se manifeste. Ce n'est donc rien d'étant qui est ainsi déterminé. Ce sur quoi porte l'effet de tel discours peut bien être un étant qu'on appellera par exemple l'homme ou bien un vivant. On ajoutera sexué et mortel. Et l'on s'avancera à l'humain, à penser que c'est là ce sur quoi porte le discours de la psychanalyse, sous prétexte qu'il s'y agit tout le temps, du sexe et de la mort. Mais d'où nous partons, s'il est effectif, que c'est au niveau de quelque chose qui se révèle. D'abord, comme premier fait, pour structurer comme un langage, nous n'en sommes pas là. Ce n'est de nul état qu'il s'agit dans l'effet d'organe. Ce ne s'agit que d'un être parlant. Nous ne sommes pas au niveau niveau l'être. Encore est-ce là pour qu'il nous faille nous garder un miracle, à savoir que l'être ainsi soit posé. C'est là que l'erreur nous guette. Assimilation avec tout ce qui s'est ordonné comme dialectique, à savoir une première position de l'être et du néant. Cet effet étant maintenant ici le même. Première affaire. C'est quoi ça? Si on voulait enlever ça, j'ai demandé qu'il n'y ait pas de chauffage. Son première affaire n'apparaît qu'au niveau de ce qui se fait cause du désir. De ce que nous sommes, de ce premier effet d'appareil, ce qui en est de l'analyse. De l'analyse de, sans doute, comme place, comme position, j'essaie de servir. Lettre au tableau noir, c'est que c'est là qu'il se pose. Il se pose comme cause du désir. Position éminemment inédite. Sinon paradoxale. Donc il est certain qu'une pratique lotérique dont l'importance peut se mesurer à être repérée à ce qui est son rapport fondamental. Non de distance, de survol, mais proprement initié à ce qui se désigne comme discours maître, c'est à savoir qu'il y a quelque chose qui se présentifie par le fait que c'est du discours de défense. Toute détermination du sujet pensée et que dans ce discours surgit il y a ce moment dont il serait bien faux de croire que c'est ni au niveau d'un risque. Ce risque, malgré tout, mythique. Trace de mythe encore à rester dans la phénoménologie hegelienne. Et puis, vous serez avec celui quoi qui est le plus fort. Mais certes, pas cela qu'elle se criait. La lutte de pur prestige au risque de la mort appartient encore au règne de l'imaginaire. Ce qui fait le même, c'est ceci. Ce que j'ai appelé en d'autres termes le cristal de la langue, pourquoi ne pas utiliser ce qui en français peut se désigner cette homonymie de l'M apostrophe être, maître. Maître à moi-même, c'est l'axiologie, le signifiant maître, dont je vous laisse le deuxième terme à écrire comme vous le préférerez. J'ai commencé d'articuler comment ce signifiant unique opère de sa relation avec ce qui est là déjà articulé de sorte que nous ne pouvons le concevoir que d'une présence du signifiant déjà là. Je dirais de toujours. Car si ce signifiant unique, le signifiant du maître, a écrit comme vous voulez, particule, quelque chose d'une pratique qui est celle qui l'ordonne. Déjà, c'est gravé de ce qui pas encore sait de son dégât, à savoir l'articulation signifiante qui est au principe de tout savoir. Ne peut-il d'abord être abordé qu'en savoir-faire? La trace de cette présence première de ce savoir, nous la trouvons même là où déjà elle est loin. Devoir être justement longuement trafiqué. Ce qu'on appelle la tradition philosophique, justement. De l'embrayage du signifiant du maître sur ce savoir. N'oublions pas que quand Descartes je pense, donc je suis, c'est d'avoir soutenu un temps son je pense de quoi? D'une mise en question, d'une mise en doute de ce savoir que j'appelle trafiqué, de ce savoir déjà longuement élaboré. De l'immixtion du maître. que pouvons-nous dire de l'actuelle science qui nous permet de nous perdre, si vous voulez, dans trois étages que je m'évoque ici, par faiblesse didactique, parce que je ne suis pas sûr, après tout, que vous colliez à mes phrases. La science, derrière la philosophie, au-delà quelque chose, dont nous avons bien la notion, ne serait-ce que par les anathèmes bibliques, qui longuement je déplace au texte d'Osée cette année, je propose de ce que Freud en dit, d'après Céline, le bénéfice, le meilleur, n'est peut-être pas qu'il existe aussi ce côté de la mise en question de la théorie psychanalytique, de ce que j'ai appelé ce résidu de mythe, appelle le complexe des mythes. Assurément, il fallait quelque chose pour ici présentifier je ne sais quel océan, savoir réglant, et comment savoir comment, si c'était harmonieux ou pas. La vie des hommes, ce que Yahvé redit, ce que j'ai appelé sa féroce ignorance du terme de prostitution, c'est là bien suffisant à mes yeux, et sûrement meilleur que la référence connue aux fruits de l'ethnographie qui recèle en elle-même je ne sais quelle confusion d'adhérer en quelque sorte comme naturel. Ce qui est recueilli comment? Recueilli par écrit. C'est-à-dire décalé, extrait, faussé à jamais du prétendu terrain dont on prétend le dégager. Ce n'est certes pas pour dire que ce savoir pouvait en dire plus ou mieux que ce qui est l'essence du rapport sexuel. Ce que la psychanalyse démontre et ce en quoi elle nous présentifie le sexe, la mort comme sa dépendance, encore là, sans mesure d'infirmité. Cette appréhension facile du lien de la différence sexuelle à la mort. Si la psychanalyse nous le présentifie, c'est quoi? C'est de démontrer façon que je ne dirais pas, mais seulement articulée, que de la prise dans le discours de cette haine, quel qu'il soit, c'est-à-dire qui n'est même pas elle, en tout cas, ce qui se démontre, c'est que nulle part n'apparaît d'articulation qui s'indique, s'exprime, le rapport sexuel, si ce n'est de façon complexe, dont on ne peut même pas dire qu'elle soit médiée, qu'il y ait de médiés ou de médias, comme vous voudrez, qui sont là, cet effet réel que j'appelle le plus de jouir, qui est le petit A. Ce que l'expérience nous indique, c'est que ce n'est qu'à ce que ce petit A se substitue à la femme que l'homme l'a désiré. Inversement, ce à quoi la femme a affaire, si tant est que nous puissions en parler, c'est proprement cette puissance qui est la sienne. Et qui, quelque part, se représente d'une toute puissance de l'homme qui est précisément ce par quoi l'homme s'articulant être, se trouve être en défaut. C'est de là qu'il faut partir dans l'expérience analytique. C'est que ce qui pourrait être appelé l'homme, c'est-à-dire le mâle en tant qu'être par l'homme, ceci proprement disparaît. S'évanouit de l'éphémère du discours du maître, écrivez-le comme vous voulez, de ne s'inscrire qu'en castration, qui, de fait, est proprement à définir comme privation de la femme. En tant qu'elle se réaliserait dans un signifiant congruent. La privation de la femme, elle est exprimée en termes de défaut de discours, ce que veut dire la castration. C'est bien parce que ce n'est pas en ça que comme truchement l'ordre par l'homme institue ce défi constitué comme impossible qui fait objet féminin privilégié, la mère, en tant qu'elle est interdite. C'est l'habillage ordonné, fait fondamental, qu'il n'y a pas de place possible dans une union mythique qui serait définie comme sexuelle entre l'homme et la femme. C'est bien là que ce que nous appréhendons dans le discours psychanalytique, c'est que l'un uniforme, l'un tout, n'est pas ce dont il s'agit dans l'identification. L'identification pivot, l'identification majeure, c'est le très humain. L'être marqué un, en tant qu'avant de promotion d'aucun étant, fait un singulier de ce qui porte la marque, et que dès ce moment, effet, le langage se pose. Première affaire. Et ceci te rappelle, formule ici, et inscrit au tableau. Si quelque part, quelque chose que Cogito seulement marque, lui aussi, on peut supposer, cependant, vous dites, donc je suis, c'est déjà ici marqué l'effet de division d'un je suis qui est vide. Je suis marqué du 1. Bien sûr, Descartes s'inscrit dans une tradition scolastique. Il s'en dégage par un tour d'acrobatie. Je n'ai pas du tout à dédaigner comme procédé d'émergent. C'est en fonction de cette position première du je suis d'ailleurs, je veux seulement écrire que je pense, il y a longtemps, vous vous souvenez comment je l'écris, je pense, donc je suis. C'est une pensée, ce dont je suis. Je supporte infiniment mieux que porter sa caractéristique, savoir qu'il ne va pas au-delà. Je suis marqué du 1. Singulier de l'unique de quoi? Cet effet qui est je pense. Et là encore, il y a une erreur de ponctuation. L'ergo, il y a longtemps, exprimé ainsi, ergo qui n'est rien d'autre que l'ego en jeu, et la mettre du côté du cogito, le je pense donc de quoi je suis, voilà qui donne sa vraie portée à la formule. prendre de l'esprit. De ce dont il s'agit. Alors, le plus seul, pour l'effet de langage qui s'exerce au niveau du surgissement du trait lunaire. Trait lunaire, certes, n'est jamais seul. Donc, le fait qu'il se répète, à n'être jamais le même et proprement. L'ordre même, celui dont il s'agit, parce que le langage soit présent et déjà là efficace. Première de nos règles et de nos points interrogés sur l'origine du langage. Ne serait-ce que parce qu'elle se démontre suffisamment de ses effets. Plus nous poussons loin ses effets, plus cette origine émerge. L'effet du langage et rétroactif, précisément transissé, que c'est à mesure de son développement qu'il manifeste ce qu'il est, à proprement parler, ne manque à être. Aussi bien qu'indiquer au passage, il y a seulement l'écrire ainsi et à y faire jouer sous sa forme la plus stricte, ce qui, dès l'origine d'un usage rigoureux du symbole, se manifeste dans la tradition grecque, à savoir au niveau des mathématiques. Au niveau de ce qui, dans Euclide, référence fondamentale, définition première, jamais donnée avant lui. Je veux dire, parce qu'il nous reste écrit, où il emprunte sa très stricte définition de la proportion, celle qui seule donne au niveau du cinquième livre, si je me souviens bien, le seul vrai fondement de la démonstration géométrique. Terme ambigu qui a toujours mettre en avance ces éléments intuitifs qu'il y a dans la figure, laisse déconner que très formellement dans un livre, l'exigence est démonstration symbolique d'ordre groupé des inégalités et des égalités qu'ils seuls peuvent permettre d'une façon non approximative, mais proprement démonstrative, la proportion de sa surette et dans ce terme, celui des lignes logos, c'est le sens de proportion. Il est intéressant, il est représentatif. Il est fallu attendre la série de Fibonacci pour que ce qui est donné dans une appréhension de cette proportion qui s'appelle moyenne proportionnelle, qui est celle-même Inclinade, donc vous savez que j'ai fait usage quand j'ai parlé de d'un autre à l'autre, de cette moyenne proportionnelle qu'encore un romantisme continue d'appeler le nombre d'hommes se perd à retrouver à la surface de tout ce qui a pu se peindre ou se rayonner à travers les arts. Ne peut pas faire. Le plus possible n'est que, comme ils vont le voir, le fait d'ouvrir un ouvrage d'esthétique qui peut être interprété. Si on peut le plaquer, mais sûrement pas. Le peintre qu'on a dessiné, il n'a pas compris qu'il y a de l'intérêt. En effet, il y a, c'est quoi l'accord intuitif? C'est toujours, en fait, c'est ça qui chante le mieux. Il y a tout de même autre chose, et ceci, qui vous sera facile. Apprendre chacun de ces termes, prenez-les là, si vous voulez, comme ça. Commencez de les calculer par le bas, vous verrez vite. Que vous avez d'abord à faire à un nid, quand vous arrivez là, vous avez à faire à pierre. Ensuite, vous avez affaire à croiser un pied, mais pour vous dire la proportion dont il s'agit, soit dans cette suite, je constitue la série de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, à savoir, chacun des termes étant la somme des deux précédents, je voulais faire marquer en son temps, à pousser suffisamment loin la série, de relation. Le même terme que nous découvrons, par exemple, UN moins 1, UN. C'est exactement UN moins 1 sur UN. UN étant constitué de la somme de UN moins 1 et de UN moins 1. UN moins 1 sur UN sera égal à cette proportion, en effet, idéale, qui s'appelle la moyenne proportionnelle ou encore le nombre d'hommes. Où il résulte qu'à prendre cette proportion. Comme image de ce qu'il en est de l'affect. Il y a répétition de ce je suis à la ligne qui résulte rétroactivement ce qui le cause l'affect. Cet affect, nous pouvons l'écrire momentanément égal à A. L'effet de la répétition du 1, c'est ce A, en tant qu'en somme, au niveau de ce qui ici se désigne d'une barre, la barre n'étant précisément que ceci, il y a quelque chose à passer pour que le 1 affecte, si cette barre, en somme, qui est égal à A, nul est seulement. Nous puissions légitimement l'écrire au-dessous A. Ici, penser, renverser, de faire surgir la cause, c'est dans le premier effet que surgit la cause comme cause pensée. Dans ce premier tâtonnement de l'usage des mathématiques, quelque chose qui n'a pour nous d'intérêt que d'être articulation plus sûre de ce qu'il en est, de l'effet du discours, au niveau de la cause en tant qu'elle surgit. Comme pensée reflet de l'effet, au niveau de cette cause, que nous touchons l'ordre initial de ce qu'il en est du manque à être, en ceci, que l'être ne s'affirme que de la marque d'abord du 1, et que tout le reste est rêve ensuite. Notamment celle du est en tant que Dieu, en tant qu'ici, il devrait réunir quoi que ce soit pour décider de notre nation, de l'action de Dieu. C'est penser de la cause, quelque chose qui est la première répétition c'est une répétition déjà coûte. Est-ce le niveau A, la tête de l'engarde, ce quelque chose qui est à payer à celui qui introduit son signe, quelque chose, une nomenclature qui essaie de lui donner son poids historique, l'intitule ici. Voilà. Il y a quelque chose à reconnaître. C'est un génie d'harmonisation. Pas de toi. Parce que ce qui t'a fait, c'est là. Répétition est attendue, peut-être bien entendu, non pas de l'infini répétition comme ne manque jamais d'en faire la faute de phénoménologie, de la répétition du je pense à l'intérieur, je pense seulement ceci, je pense, peut remplacer. Je suis celui qui pense en ceci, et ceci indéfiniment ouvre ma crainte que le petit temps s'éloigne toujours dans une série qui reproduit exactement le même ordre des 1 tel qu'il sort du coup des droits et à droite. À ce qui fait le dernier fait, il y aura un petit pas. Un petit pas, remarquez-le, c'est au sein du ciel. Donc, il aussi loin que vous le portez dans la tête, pour que l'égalité soit la terre. La proportion du tout qui est répété égale au total au résultat du petit temps. En quoi se marque que le vivant somme obtient bientôt, si je ne me trompe, je me marque dans ce terrible convergent. Dans les intervalles qui sont les plus grands êtres de force, à savoir toujours ce sens. Je dis à la vérité, mais il y a cette façon. Parce que la vision, il en a de là. Elle cesse de prétendre trancher une proportion de mesurer ce qui en est de l'effectivité de la manifestation la plus primaire du monde, à savoir du règne. Elle est faite seule pour rappeler ceci, de la science, celle de l'abondation, je veux dire présent dans notre monde d'une façon portée par que beaucoup de ce qui est un effet de connaissance car il ne faudrait tout de même pas de délicieuse. C'est que la caractéristique de notre science n'est pas d'avoir introduit une meilleure, plus étendue connaissance du monde, mais d'avoir fait surgir au monde des choses qui n'existaient d'aucune façon au niveau de notre perception de savoir ce qu'on était dans notre vie. Autour d'une genèse mythique, sous prétexte que telle ou telle méditation philosophique se serait longuement arrêtée autour de nous, savoir ce qui garantit la perception d'être pas du droit. Ce n'est pas moi qui la fait. La science est partie de ce qu'il était dans l'œuf, dans les démonstrations étudiantes, encore celle-ci reste en train de faire. De conserver encore cet attachement à la vie, en prétexte de son état. L'évolution de la mathématique ne serait que prouve que c'est précisément à ceux qui ont obtenu la manipulation du nombre constante, voyez la substantielle évolution qui est celle qui tend à faire. Et ça, très doux, et ça a toujours à l'essentiel. Et pour nous, et là, toujours en l'occasion, à savoir, calculer. Le calcul à l'unité du mal, il y a besoin d'attendre la limite du reste. Avec notre perception. Le monde le monde qui était présumé être le nôtre de Dieu est maintenant soudainement peuplé, comme je le disais l'autre jour, sur les marches du Panthéon, peuplé à la place même où nous sommes, un nombre considérable, les centres croisants, sans que vous en ayez le moindre soupçon, tous quelque chose qui s'appelle des ondes et qui ne sont tout de même pas à négliger comme manifestation, présence, existence de quelque chose qui est la science et qui tout de même nécessiterait parler autour de notre Terre, d'atmosphère et de stratosphère, et de ce qui nous plaira de sphériser aussi loin que nous pouvons appréhender les particules, et de tenir compte aussi et de nos jours, à notre époque, alors bien au-delà, de ce quelque chose qui est l'effet de quoi. Moins d'un savoir qui aurait progressé de son propre filtrage, de sa critique, et de cet élan arrive vers quelque chose qui est ce à quoi, par un artifice, sans doute un artifice au niveau de Descartes, d'autres en choisiront d'autres, par l'artifice leur maître à Dieu. La garantie de la vérité, s'il y a une vérité qu'il s'en charge, nous la prenons à sa valeur faciale. Et par ce seul jeu d'une vérité non pas abstraite, mais purement logique, par ce seul jeu d'une combinatoire stricte, soumise, simplement associée, qu'il faut que toujours on soit pointé sous mon action les règles, à ce seul jour, d'une vérité formalisée. Voilà que se construit science qui n'a plus rien à faire avec les présupposés de ce que depuis toujours appliquait l'idée de connaissance. À savoir cette polarisation duelle, cette unification idéale qui serait imaginée de ce qu'est la connaissance. Et où on peut toujours trouver de quel nom on les a dit. Eidos Huller, par exemple, le reflet, l'image. D'ailleurs toujours ambigu de deux principes, le principe mâle et le principe femelle. Que ce dont il s'agit comme espace où se déploient les créations de la science, nous ne puissions dès lors le qualifier de l'insubstance, de la chose et l'apostrophe. C'est bien qui change du tout au tout le sens de notre matérialisme. C'est la plus vieille figure de l'infatuation humaine. Écrivez-le comme vous voudrez. Que l'homme s'imagine former la femme. Pense que vous avez tous assez d'expérience pour avoir rencontré cette histoire comique à tel et tel tournant de notre vie. La forme, la substance. Appelez-le comme vous voudrez encore le contenu. Et très précisément ce dont une pensée scientifique doit se dégager. Et il m'est permis de, ici d'avancer d'un sorte de charrue un peu rude, simple simplement, comment dirais-je, pour bien exprimer la pensée. Je veux dire, bien sûr, que j'ai des choix à faire comme si j'en avais eu une. Car c'est précisément pas de ça qu'il s'agit. Mais comme chacun sait, c'est la pensée qui se connaît par le malentendu, bien entendu. Alors, faisons de la communication, disons que ce en quoi consiste cette version, cette conversion, la conversion, à la fois s'avère comme distincte de toute théorie de la connaissance. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'il n'y a justement qu'à la lumière de l'appareil, pour autant que nous pouvons l'appréhender, la science, que nous pouvons fonder ce qu'il en était, des erreurs, des butées, des confusions qui ne manquaient pas, en effet, sont présentes. Dans ce qui s'articulait comme connaissance, avec cette sous-jacence, qu'il y avait là deux principes à scinder, l'un qui forme et l'autre qui est formé. Car précisément, s'il y a quelque chose, la science fait chute. Et aussi bien qu'on se conforte le fait que dans l'expérience analytique, nous en trouvions l'écho. Et que, si vous voulez, pour m'exprimer de ces grands termes approximatifs, je parle du principal, par exemple, l'effet de l'incidence du discours, c'est en tant qu'être parlant qui est sommé d'avoir à rendre raison son essence, entre guillemets ironique, c'est très précisément de l'affect qui c'est à savoir que c'est très proprement en même temps qu'il reçoit cet effet féminisant que le petit tas. Et seulement par là, il reconnaît ce qu'il fait, à savoir la cause de son désir. Personnellement, au niveau du principe prétendu naturel, ce n'est pas pour rien que depuis toujours symbolique au mauvais sens du mot, une référence. C'est au contraire de l'insubstance, comme je le disais tout à l'heure, que ce vide dont assurément le quelque chose dont il s'agit, si nous voulons très à distance, très lointainement, lui donner l'horizon de la femme. C'est dans ce que de l'essence informée précisément, sans forme, il s'agit de trouver la place. La place bien spécifiée dans l'opération. Car ce « je perçois » prétendu originel doit être remplacé par un « opère soi ». C'est en tant que la science ne se réfère qu'à une articulation ne se prend que de l'ordre signifiant qu'elle se de quelque chose dont il n'y avait rien avant. Très précisément, c'est important à apprendre quelque chose à ce qu'il en est de quoi? De l'oubli de cet éphémère. Le savoir de tous temps. À mesure que le champ s'étend, puisqu'il a bien peut-être fonction du discours, nous ne savons pas pour la raison que nous n'avons jamais su à aucun point. Nous étions chacun et d'abord déterminés comme notre chef d'État. Par le talent, pour le rappeler de ses sphères, autant précisément l'extension de la science, qui, chose curieuse, se trouve aussi très très opératoire à déterminer ce qui est le temps. Retour à la Terre, suite de zone, de qualité. Pourquoi ne pas faire la part aussi du lieu où se situent ces fabrications? Là encore, j'accentue trop ce que je veux dire, ces fabrications de la science. Si elles ne sont rien d'autre que des faits, des vérités formalisées, comment allons-nous l'appeler? Je peux vous dire que je suis forcément très fier. J'attends sans l'occasion, sans ce qu'il est utile. Vous allez voir pourquoi. Je pose cette question, qui elle n'est pas nomenclature, car il s'agit bien de la place bel et bien occupée. Parfois, Léon Grossier, qui parlait tout à l'heure des ondes, eh bien, c'est ça qui est ondes hertziennes ou autres, ondes dont aucune phénoménologie de la perception ne l'a jamais donné la réalité, et où il ne nous aura certainement jamais rendu. Parlons ça, certainement pas la noce, vous voyez ça, hein? La noce même serait peuplée de nous-mêmes. S'il y a bien quelque chose hein, qui est dans l'occasion, face au 25e arrière-plan, tout ce qui peut nous intéresser, c'est bien ça. Si on appelait ça l'allétosphère, en nous servant de l'allétéa d'une façon qui n'a rien de émotionnellement philosophique. Nous n'avons pas le pédale. L'allétosphère, ça s'enregistre, si vous avez ici le micro, vous vous branchez sur la l'allétosphère. Ce qui a des patents, c'est que si vous êtes dans un petit véhicule qui vous emmène vers Mars, vous pourrez toujours vous brancher sur la l'allétosphère. Et même, il est absolument clair, la l'allétosphère. Ce que j'ai déjà désigné, surprenant effet de structure, avec ces deux ou trois personnes sont allées se balader sur la lune. Voyez bien, pour ce qui est de l'exploit, ça n'est certainement pas pour rien qu'il restait toujours dans la l'allétosphère. Même si auquel il est arrivé au dernier moment, là, au dernier temps, que nous en nuit, on serait probablement beaucoup moins bien tiré. On ne parle même pas de leur rapport avec leur machine. Ça serait bien tiré tout seul. Peut-être. Mais le fait qu'ils étaient tout le temps accompagnés de ce petit tas, de la voix humaine, après tout, pouvait se permettre de dire des conneries. Par exemple, tout allait bien. Mais qu'importe. N'importe ce qui reste dans l'atmosphère, en tant que je suis, il faut tout de même le temps où nous sommes de nous apercevoir de toutes ces choses qu'il a peur. vient de parler de la lumière, introduire comme ça un autre mot. La lithosphère, c'est beau à dire, c'est parce que nous supposons que ce que j'ai appelé cette vérité formalisée, elle a déjà suffisamment statut de vérité au niveau où est le fait, où est le fait qui soit. Mais au niveau de l'opéré, de ce qui se promène, elle n'est pas du tout dévoilée, la vérité. La preuve, c'est que cette voie humaine, avec son effet comme ça, comme souvenir périné, si je puis m'exprimer, elle dévoile moins du tout sa vérité. Alors nous appellerons ça, à l'aide de l'aoriste du même verbe, un célèbre philosophe, appelé que la défaillance ça en est. Parce que après tout, il y a des philosophes pour stabiliser une chose pareille. Les philosophes de la Grèce. On va appeler ça de l'atout. C'est que ça. Je te bonne plus que toi. Le nom est de plus en plus le nom de l'atout. Je pense que c'est extraordinaire. On a appelé ça des latus. Ça aurait fait jeu avec Lucia. Ça se participe de Lucia avec tout ce qu'elle a envie de Lucia. Lucia, c'est pas l'eau, c'est pas les temps. C'est entre les deux, c'est pas tout à fait l'air. Alors ça, ça ne m'approche pas. Pour ce qui est de la substance féminine, j'irai bien jusqu'à la parousie. Et pour les menus objets, vous allez rencontrer en sortant là sur le pavé à tous les coins de rue derrière toutes les prières. On se foisonnement ces objets pour causer notre plaisir. Pour autant que ces nations soient en ordre, pensez-les comme l'être. On aperçoit sur le tas, parce que la douze, il n'y a pas longtemps que je l'ai inventé, que ça rime avec vente. Il y a du vent dedans. Beaucoup de vent. Vente la bonne humaine. C'est assez comique. Le professeur, au bout du rendez-vous, alors que si l'homme avait moins pratiqué le truchement de Dieu pour croire qu'il vit avec la femme, il y a peut-être longtemps qu'on aurait trouvé la deux. Quoi qu'il en soit, l'heure s'est donc avancée sur ce sujet. Plusieurs questions peuvent leur faire que vous ne soyez pas tranquille. Pas tranquille sur vos rapports avec la lettre. Sur le fait que c'est bien certain que chacun a fait avec deux ou trois cette espèce. Car au moins, la vérité, c'est que la douce n'a pas du tout raison de se limiter dans sa multiplication. L'important, c'est de savoir ce qui arrive. Quand on se met vraiment en rapport avec la douce comme telle, psychanalyse idéale. Voici nous, c'est bien. pur milieu de bande. Et dans le moins qu'on puisse dire, ce qu'elle doit faire, c'est angoissant. Un jour où il s'agissait de me monnayer, j'ai essayé de penser quelques petites choses. Parce que ça faisait partie de la cérémonie. Pendant qu'on me monnayait, on pouvait bien faire semblant de s'intéresser à ce que je pouvais avoir à dire sur la formation du psychanalyste. J'ai avancé dans la différence, bien sûr, absolue, puisque ce qui se passait dans les couloirs. J'ai avancé que une psychanalyse en cause de l'angoisse, puisque c'est à ça qu'on a affaire, et que bien certain que s'il y a la latouse, ça montre que l'angoisse, c'est celle-là dont je suis parti, n'est pas sans objet. Une meilleure approche de la latouse doit un tout petit peu nous calmer. Mais se mettre en position telle qu'il y ait quelqu'un dont vous êtes occupé à propos de son angoisse, qui veut en venir à occuper cette même position que vous venez au bout de départ, vous venez à peine. Savoir comment vous la tenez ou comment vous ne la tenez pas, et pourquoi vous la tenez, pourquoi vous ne la tenez pas, ce sera l'objet de notre prochaine rencontre. Ce sera l'objet de notre prochaine rencontre, dont je peux quand même vous dire le titre. Le frein sur les rapports toujours insupportés de Romain et de Tichel, de l'impuissance à l'impossible. Il est clair qu'il est tout à fait impossible de tenir la position de la lame. Sinon, il n'y a pas que ça qui est pas possible. Il y a d'autres choses encore. À condition de donner un sens strict au mot impossible, c'est-à-dire de ne le déterminer que du niveau de notre vérité formaliste. À savoir qu'en touchant formalisé de la vérité, il y a des vérités qu'on ne peut pas démontrer. Au niveau de cet impossible, c'est là, vous le savez, je définis ce qui est réel. S'il est réel qu'il y ait l'analyste, c'est justement parce que c'est impossible. Ça fait partie de la position de la latine. L'ennui, c'est que pour être dans la position de la latouse, il faut vraiment avoir cerné que c'est impossible. C'est pour ça qu'on aime tellement mieux mettre l'accent sur l'impuissance, ce qui existe aussi, mais qui est autre chose, ce que je vous montrerai, qui est à une autre place de l'impossibilité. C'est pour ça que je sais qu'il y a ici quelques personnes qui s'affectent de temps en temps. Me voir, comment dire, je ne sais pas comment dire, affectivé, interpellé, vociféré contre les analystes. Ce sont des jeunes personnes qui ne sont pas analystes. Elles ne se rendent pas compte que c'est quelque chose de gentil que je fais là. C'est des petits signes de reconnaissance que je leur fais. Je veux dire que tout de même, je ne veux pas les mettre à trop une épreuve, Mais quand je fais des allusions à leur impuissance, qui est la mienne, ça veut dire qu'à ce niveau-là, on est tous frères, et qu'on a qu'à se dépêtrer de mon peuple. Ça les apprivoise avant que je leur parle de l'impossibilité de la pétition.